Une gilet pare-balles, t'as tiré dans le mille. J'perds pas mes valeurs, j'suis dans les ennuis. J'fais des rodéos sur les avenues de Saint-Denis. C'est là que tu m'as perçu, sur le 2 ennemi. J'étais dans les affaires, Médusa. J'vois ma vie en violet, Médusa. À part la coca, Médusa. J'avais rien à donner, Médusa. Quand elle me regardait, j'aimais faire le gros voyou. J'avais trop de fierté pour lui dire I love you.